Les histoires pas si fantastiques. Je suis astigmate et si vous confondez avec asthmatique, c'est que vous êtes dans ma gang. Mais l'un n'empêche pas l'autre puisque j'ai les deux. Oui, j'étais une victime plus jeune. C'était vraiment galère pour moi, je transformais les P, les B, les M et les N et plein d'autres comme ça. Autant vous dire que les livres de pirates avaient un tout autre aspect dans ma tête. Le pirate et son putain n'est pas à mettre entre toutes les mains. Même l'écriture, c'était pas vraiment facile. Ma prof de français n'aimait pas mes F, elle me donnait toujours des points en moins pour ça. Je fais ce que je veux, butin de sa mère! Non, vraiment, si tu me demandes d'épeler un mot, si je mets du temps, c'est que je me refais l'alphabet. S, C, C, C, C, S. Autant vous dire que j'ai arrêté de fumer parce que c'était chiant d'écrire S, Q, D, C sur le GPS. Pire même, une carte pour moi, c'est l'enfer. Si vous me laissez l'itinéraire de vos vacances, vous avez toutes les chances du monde d'aller au mauvais Portland. Une carte pour moi, c'est un dessin d'un maternel. Oh, c'est moche. Franchement, j'ai hâte qu'il déborde plus parce que là, je comprends rien. Fais un effort, Timmy. Les maisons, ça ressemble pas à ça. T'as déjà vu un toit comme ça? Non, personne n'a vu un toit comme ça. C'est pas comme ça que tu vas arriver à Portland. Jamais, Timmy. La plus grosse ironie là-dedans, c'est que je me suis prise une boussole comme porte-clés. Vous savez comment je réagis quand on me demande le nord? Comme un chien qui cherche un endroit pour pisser. Gauche, droite, droite, gauche. Ah, ici ça a l'air bien. Je dois lever la patte? Je sais pas. Allez, soyons fous. Je vous emmène à l'aveugle musicalement à Portland avec Burning Shoes. She said to me she wants to go to Portland. There's not a thing that's nearly as important. We could drive all night. We'll get there in the morning. What's one long drive? Haven't you seen my bad habits as of lately? Maybe it's not a pleasantry. Let's go soon and get there nice and early. What's one long drive?